regardez-les tous. Qu'est-ce qu'ils ont de plus à part des sous et du succès? Et je pense qu'ils ont sucé sans cesse. Sinon c'est impossible, car même devant le talent, la gloire reste quand même impassible. Je mérite bien plus que ça, j'insiste là-dessus. Le public écoute trop peu, voilà pourquoi il m'a déçu. Trop de gens sans talent propulsés sur le devant de la scène. J'ai de la peine, tu deviens une star juste parce que t'es bon à Ken. Putain, payer des millions pour jouer avec un ballon. J'ai pas le bras long, donc je serai toujours le dernier maillon. Et en fait, je me suis toujours pas fait à l'idée. Font du cinéma à la télé, appelle ça réalité. Vous, vous êtes indignes de vos voitures et vos villas. Vous n'êtes que des impostures, c'est moi qui mérite cette villa. Et à vous autres, on ne croira plus vos fables. Y'a pas que le travail qui paye, y'a aussi les pactes avec le diable, hein. Je répète, vous êtes indignes.